Bonsoir, chers auditrices, auditeurs de la radio Isangani, le bienvenue à l'écoute de cette dernière édition en français de ce 26 septembre, dont voici le sommaire. L'organisation Société burundaise de cardiologie déplore le manque de médecins cardiologues. Il ne dépasse pas 10 au niveau national. Dans ce journal, vous suivrez le docteur Marc Nimburanira, président de cette organisation. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM, appelle le gouvernement burundais à trouver d'autres sources de financement du budget de l'État exercice 2018. C'est après En Écho que ce budget sera 100% financé par les ressources internes. Dans ce journal également, on vous parlera du manque de courant électrique dans certains ménages en zone guihosha rurale, ainsi qu'au quartier industriel dans la zone urbaine de Ngagara. Et la chronique santé de ce mardi nous parlera de l'anesthésie, cet acte médical par lequel toutes les douleurs sont supprimées. Bienvenue dans ce journal mis en onde par Séraphine Hakizimana. À la présentation, Mireille Kanyang et rebonsoir. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page santé. Le Burundi a encore besoin de médecins, du matériel et des médicaments pour traiter les maladies cardiovasculaires, comme l'indique Dr Marc Nimburanira, président de la Société burundaise de cardiologie. Des médecins qui ne dépassent pas le chiffre de 10 au niveau national. Au cours d'une conférence de presse de ce mardi, le Dr Nimburanira a indiqué que ces maladies cardiaques sont chroniques, mais les médicaments sont rares et chers. Je vous prie de le suivre. Les maladies cardiovasculaires sont en train de prendre le dessus par rapport aux maladies infectieuses. Et même dans nos pays, surtout dans les milieux urbains, nous sommes en train de voir que ces maladies sont en train de s'installer. Donc il y a cardiopathie ischémique, c'est quand vous avez eu des artères coronaires qui vascularisent le cœur qui ne sont plus perméables pour assurer un apport sanguin suffisant au niveau du muscle cardiaque. Ce muscle cardiaque qui n'est pas irrigué est infarcti, donc perd la contractilité, perd la viabilité, et en conséquence, vous allez avoir un cœur qui a une fonction qui a diminué de capacité, et nous allons évoluer vers une complication quand le cœur perd la force de distribuer le débit suffisant aux autres organes du cœur pour que la personne puisse vaquer convenablement à ses activités. On peut aussi avoir des maladies des valves. Alors, il y a des facteurs de risque cardiovasculaire qui ne sont pas modifiables. Il y a le sexe. L'homme est plus touché par rapport à la femme. Il y a l'âge. La femme a plus de 65 ans et l'homme a plus de 55 ans sont plus à risque à développer une complication à long terme sur le plan cardiaque. La prise en charge de ces maladies cardiovasculaires ici au Burundi, il y a des sources qui sont limitées. Le personnel qui est formé, les médecins, les spécialistes, les cardiologues sont peu nombreux. Même ceux qui sont disponibles, la plupart, si ce n'est pas le gros, se trouve à Bujumbura, alors que ces maladies se trouvent partout dans le pays. Le docteur Marc Nimburanira, président de la Société burundaise de cardiologie. Pour sa part, le docteur Innocent Nkurunziza, directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles au ministère burundais de la Santé publique, indique que le gouvernement intervient dans les limites de ses moyens, notamment dans la sensibilisation de la population en vue de lutter contre ces maladies cardiovasculaires. Suivez-le. Ce ne sont pas seulement les cardiologues, il y a aussi les gynécologues, les internistes, etc. Le gouvernement est en train d'analyser un dossier en rapport avec l'encouragement de ces médecins au niveau du gouvernement pour qu'ils acceptent d'aller prester à l'intérieur du pays. Je pense que d'ici quelques jours, on aura déjà résolu quelques problèmes dans les limites des moyens du gouvernement parce que vous savez que le Burundi est un pays à ressources limitées, si bien que les décisions qu'on prend au niveau des ministères sont des décisions de santé publique et qui privilégient les problèmes de santé publique. Ce sont ces défis qu'on est en train de voir comment les résoudre. Mais globalement, c'est au niveau de toutes les maladies chroniques non transmissibles, notamment les quatre principales maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires qu'on est en train de parler aujourd'hui, le cancer et les bronchopneumopathies chroniques obstructives. savez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal par la page gouvernance et l'organisation Lucom qui lutte contre les malversations économiques et le détournement des deniers publics s'inscrit en faux contre la mesure qui aurait été prise par le ministre des Finances selon laquelle le budget 2018 sera 100% financé par les fonds internes. Gabriel Ufiri, président de cette organisation, appelle le gouvernement burundais à trouver d'autres sources de financement de son budget, éviter de toujours le faire peser sur les épaules de la population. Suivez. Aux yeux de l'ORICOM, il est incompréhensible que la population burundaise qui croupit dans une misère sano puisse financer le budget 2018. Est-ce que vous avez les preuves que le ministre des Finances a dit cela? Il a prononcé ses propos dans un atelier qui a ouvert la semaine passée à Ngozi. C'était un atelier qui réunissait les cadres de son ministère et d'autres cadres en charge de préparer le budget 2018. Ce sont des propos pour nous irréalistes parce que ce sont des propos qui ne s'appuient pas aux faits concrets. Tout le monde sait la situation socio-économique, voire même politique de notre pays. Va voir même dans les pays les plus industrialisés, ils ont toujours des financements en dehors des taxes et des impôts. Les propos du ministre visent seulement la préparation psychologique à la prochaine hausse des taxes. Est-ce que le LICOM ne serait pas en train de s'opposer au projet du gouvernement? En aucun cas, le LICOM ne peut pas s'opposer au projet du gouvernement parce que, comme vous le savez, le LICOM, quand il critique, il donne toujours des propositions. Alors, quelles sont vos propositions? La première recommandation est de rehausser les impôts sur les revenus des hauts cadres de l'État. La deuxième recommandation demande au gouvernement d'instaurer une taxe sur fortune sur toutes personnes physiques ou morales ayant plus d'une maison construite en matériaux durables ou ayant une maison en deux étages sans avoir un crédit relatif à la banque à ce moment. Donc ce sont des recommandations. Une fois appliquées, le riche et le pauvre vont vivre en harmonie dans un pays prospère et paisible. Gabriel Rufsiri, président de l'OLUCOM, au téléphone avec Joseph Nsabiabandi. Je venais de vous l'annoncer, s'observe un manque de courant électrique au quartier industriel de la zone urbaine d'Ongagara depuis 5 jours. Ceux qui exercent des activités, y compris des entreprises, parlent d'un important manque à gagner et des difficultés de s'acquitter des frais de loyer. Ils s'étonnent du manque de courant au moment où la Régie des eaux avait annoncé la fin des délestages. Un reportage signé Désiré Abonimana, stagiaire à la radio Isanganiro, élu par Charles Makoto. Une fois au quartier industriel, réputé pour son bruit provenant de différentes usines de production et de transformation, un calme inhabituel vous attend. Les machines de dépurchage du riz ne fonctionnent plus. Le mouvement de va-et-vient des employés, vendeurs et acheteurs semble être une histoire du passé. Seuls, quelques porteurs passent un à un dans la cour où sont entassés quelques sacs de riz, où on peut également voir du riz étendu au soleil. Il n'y a pas à faire ici, disent-ils. C'est le 5e jour que nous n'avons pas de l'électricité. L'usine de production des produits pharmaceutiques CIFAR est aussi implantée au quartier industriel. À cette usine, on fait savoir qu'avant l'annonce de la Régie des eaux faisant état de la fin des délestages, l'usine était alimentée en courant électrique une fois les 2 jours. Avec l'annonce à dire l'électricité produite par la Régie des eaux, ces derniers jours, on a dit que le courant électrique allait être disponible. Mais pour nous, depuis qu'on l'a annoncé, nous n'avons jamais été servis il y a 5 jours. Mais avant cette annonce, on pouvait avoir du courant 1 jour sur 2. On était habitué au délestage. C'est comme ça que ça marchait. Mais pour les 5 derniers jours, nous n'avons pas eu de l'électricité. Il demande à la Régie des eaux d'honorer son engagement afin de leur permettre de vaquer à leurs activités quotidiennes. Autre manque de courant, c'est dans certains ménages du quartier Gikungu rural, c'est en commune urbaine de Nahangwa. Depuis samedi, les habitants de cette localité demandent une intervention de la Régie des eaux, car, disent-ils, leurs activités sont perturbées. Un reportage signé Placide Niomungere.